Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre horoscope de ce mois de juillet 2022. Ce mois commence avec un bel aspect Jupiter-Vénus qui va apporter de la joie, de l'amour et des relations assez festives aux signes de feu et d'air. Mercure en bon aspect de Saturne sur la première semaine assagit les relations, permet de trouver des solutions ou des compromis à la fin des signes d'air et de feu aussi. L'esprit est aux sorties, à la fête, à la discussion. Jupiter en bélier, tout le mois, donne du courage, l'envie de prendre sa vie en main, d'avancer et surtout apporte un beau dynamisme. Il apportera plus de contraintes à partir du 25 aux balances bélier, cancer, capricorne du début du signe. Tout comme Saturne fin Verseau apporte encore des blocages ou un aspect de solitude à la fin des lions, scorpions et taureaux pendant encore tout le mois. La pleine lune du 13 en capricorne sera bénéfique aux signes d'eau et de terre en leur apportant les fruits de leur travail. Un peu plus bloquante pour les béliers et balances, mais enfin bon, c'est pas franchement dramatique quand même. Vénus passe en cancer le 19 et elle apportera une attention, des relations plus familiales, plus câlin doudou, plus tranquille. Par contre, il pourrait y avoir des comptes à régler pour certains car ce Vénus en cancer sera quand même carré à Jupiter. Donc, les balances, les béliers, les cancers, faites attention un petit peu, ne réglez pas trop vos comptes, ne vous emballez pas trop vite. Mercure passe en Lion le 20 et il va être en bon aspect de Jupiter. Ça, c'est top. Il va apporter de bonnes nouvelles aux signes de feu et des possibilités d'engagement. Ça peut être des bonnes nouvelles comme quoi vous avez trouvé du travail, des bonnes nouvelles comme quoi vos projets marchent. En tout cas, c'est plutôt sympathique. La nouvelle lune du 28 en début Lion rajoutera une couche positive pour ces mêmes signes de feu et les balances et les gémeaux. Ce mois de juillet promet donc d'être plutôt cool et agréable pour la plupart d'entre nous. Nonobstant les guerres qui continuent, les problèmes climatiques qui continuent, ça, c'est clair qu'on n'en verra pas la fin de sitôt. Mais bon, passez de bonnes vacances et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.